Ça vous a peut-être échappé. Mais une chose amusante vient de se passer. Vous avez vu leur malaise quand ils m'ont salué? C'est que je suis avocat. Et dans ce quartier, croiser un avocat ou un prêtre dans la rue, ça porte malchance. Comme nous ne sommes associés qu'au malheur, ils préfèrent garder leur distance. Souvent, je pense que leur petit salut suspicieux a été forgé par 3000 ans de méfiance. Un avocat est synonyme de loi. Et en Sicile, la patrie de leur père, la loi n'a pas été un concept très agréable depuis la défaite des Grecs. Pour ma part, j'ai tendance à remarquer les ruines en toute chose. Peut-être parce que je suis né en Italie. Je suis arrivé ici à l'âge de 25 ans. À l'époque, Al Capone, le plus célèbre originaire de Carthage, faisait ses premières armes ici même, sur ces trottoirs. Et Frankie Yale, son premier patron, a été tranché en deux par un tir de mitrailleuse. À deux pas d'ici, sur Union Street. Oui, bien des hommes ici ont été tués au nom de l'honneur. Par des hommes de déshonneur. L'honneur, la justice, c'est sacré ici. Mais ici, ce n'est pas la Sicile. Ici, c'est Red Hook. Le bidonville face à la baie du côté du pont de Brooklyn qui ouvre sur la mer. Ici, c'est le gosier de New York qui avale le tonnage craché par le reste du monde. Et maintenant, on est devenu très civilisé, très américain. Maintenant, on a appris à régler à l'amiable. Et pour ma part, je préfère ça. Plus besoin de garder de revolver dans mon tiroir. Ma clientèle n'a vraiment rien de romantique. Ma femme m'avait prévenu, mes amis aussi. Ils m'ont dit que les gens de ce quartier manquent de classe, de prestige. Après tout, à qui ai-je eu affaire jusqu'à présent? Des débardeurs, leurs femmes, leurs pères, leurs grands-pères, des causes d'indemnité, d'expulsion, des querelles de famille, les petits problèmes des gens pauvres. Mais de temps à autre, il y a une cause. Et tandis que les parties me racontent leurs problèmes, le parfum salé de la mer vient soudain inonder l'air stagnant de mon bureau et en chasser toute poussière. Et il me vient à l'idée que quelque part, à l'époque de César, en Calabre peut-être, ou sur la falaise de Syracuse, un autre avocat, vêtu fort différemment, a entendu les mêmes doléances. Et il est resté là, lui aussi, impuissant à regarder se déployer le cours sanglant des choses. Lui, il s'appelait Eddie Carbone, un débardeur qui travaillait sur tous les quais, du pont de Brooklyn jusqu'à l'embouchure de la mer. OK, les gars, on se voit plus tard. OK, salut. Salut, Mike! Allez, Cap! Allô, Eddie! Où tu vas, toute bien habillée comme ça? Je viens de l'acheter, l'aimes-tu? Eh, belle! Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Aime ça, je les ai arrangés différemment! Béa, il est arrivé! C'est beau! Tourne-toi, laisse-moi voir de dos! Ah, si ta mère était encore en vie qu'elle pouvait te voir, elle le croirait pas! T'aimes ça, hein? T'as l'air d'une fille qui a fait l'université! Où tu vas? Attends que Béa arrive, je vais te raconter. Béa, viens-t'en, veux-tu? Viens, assis-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller te chercher une bière, OK? Attends, attends, dis-moi ce qui s'est passé, approche. Parle-moi. Je veux attendre Béa. Devine combien on a payé pour la jupe? Elle m'a l'air un peu courte, non? Non, pas quand je suis debout. Faut bien que tu t'assoies de temps en temps. Mais c'est ça la mode, maintenant. Bon, disons que tu me vois marcher dans la rue. Écoute, ça me rend malade comment tu marches dans la rue. Je suis sérieux. Pourquoi? Catherine, je vais pas être fatiguant avec ça, mais je te le dis. Tu roules des hanches quand tu marches. Je roule des hanches? Fais-moi pas fâcher, Kat. Tu roules des hanches. J'aime pas comment tu te fais regarder. Puis avec tes nouveaux talons hauts sur le trottoir, clac, clac, clac, les têtes se tournent comme des moulins avant. Ouais, mais ces gars-là, ils regardent toutes les filles, tu le sais, ça. T'es pas toutes les filles. Mais qu'est-ce que tu veux que non, je fasse? Fâche-toi veux... pas, mon bébé. Je comprends pas ce que tu veux. Catherine, j'ai fait une promesse à ta mère sur son lit de mort. Je suis responsable de toi. T'es encore une enfant, tu comprends pas ça, cette affaire-là. C'est comme quand t'envoies la main... J'envoyais la main à Mike. Je pourrais te conter des histoires sur Mike que t'aurais plus jamais envie d'y envoyer la main. Eddie, j'aimerais ça qu'il y ait un seul gars sur qui t'as pas d'histoire à me conter. Catherine, fais-moi plaisir, veux-tu? Tu commences à être une grande fille. Il faut que tu sois plus réservée. Tu peux pas être aussi affectueuse avec tout le monde. Hé, hey, Béa, qu'est-ce que tu fais? Va la chercher, veux-tu? J'ai des nouvelles pour elle. C'est quoi? Ses cousins viennent d'accoster. Non! Béa! Tes cousins? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tes cousins sont arrivés. Mais de quoi tu parles? Où ça? Je finissais mon chiffre tantôt. Tony Berelli s'en vient me voir. Il me dit que leur bateau est rendu dans le port. Ils vont bien? Ils ont pas vu. Ils sont encore à bord. Mais la minute qu'ils débarquent, ils vont les accueillir. D'après lui, ils devraient être ici vers 10h à soir. Pis ils vont les laisser débarquer sans problème. C'est tout réglé, ça, hein? Certains. Ils ont leur papier de marin. Ils vont débarquer avec le reste de l'équipage. Inquiète-toi pas. Dans une couple d'heures, ils sont ici. Mais comment ça? Ils étaient pas supposés d'arriver avant jeudi prochain. Je sais pas, là. Ils émettent sur le premier bateau qui accepte de les embarquer. Peut-être que le bateau qu'il devait prendre, c'était dangereux. Pourquoi tu pleures? Je sais pas, j'arrive pas à le croire. J'ai même pas acheté une nouvelle nappe. Je voulais laver les murs. Écoute, comparé à là où ils vivent, ils vont trouver que c'est un vrai palace ici. Inquiète-toi pas pour les murs. Ils vont être reconnaissants. Et Kat, qu'on doit acheter une nouvelle nappe. Tiens, prends ça. Mais y a pas de magasin ouvert à cette heure-ci. Tu voulais changer le tapis dans l'entrée, hein? Mais oui, je le sais. Mais je pensais qu'il arriverait juste la semaine prochaine. Je voulais laver les murs, je voulais cirer les planchers. Madame Nondero, peut-être. Non, sa nappe est pire que la mienne. Mon Dieu, j'ai même rien à leur donner à manger. Hé, hey, calme-toi. Mais je suis nerveuse, c'est tout. Oh, je vais faire du poisson. Tu leur sauves la vie. Qu'est-ce que t'as à t'inquiéter pour une nappe? Ils ont probablement jamais vu une nappe de leur vie. Je m'inquiète pour toi. C'est juste ça qui m'inquiète. En autant qu'ils sont au courant où ils vont coucher. Mais je leur ai dit dans les lettres. Ils vont coucher par terre. Béatrice, moi, ce qui m'inquiète, c'est que t'as tellement un grand cœur, je vais me retrouver couché par terre à côté de toi pendant qu'eux autres vont coucher dans notre lit. Arrête ça, là! Parce que toi, dès qu'un membre de ta famille a l'air fatigué, je me trouve par terre. Quand est-ce que tu t'es retrouvé par terre? Dans la maison de ton père a brûlé. C'est pour trouver par terre, peut-être. Mais oui, mais leur maison avait brûlé. Ouais, elle a pas brûlé pendant 2 semaines. Bon, OK, je vais leur dire d'aller ailleurs. Hé, hey, attends une minute, là. Je veux pas que tu te fasses marcher ses pieds, c'est tout. T'as trop un grand cœur. Pourquoi t'es tellement à pic? J'ai juste peur que si ça se passe pas bien, tu vas être fâché contre moi. Si tout le monde se ferme la trappe, tout va bien se passer. Ils payent pour rester ici? Oui, je les avertis. Bon, mais dans ce cas-là, c'est un honneur, Béa. Je suis sérieux. Je me disais ça en m'en venant tantôt. Si mon père avait pas immigré ici, puis que moi, je crevais de faim comme eux autres là-bas, mais que j'avais un parent en Amérique qui pouvait m'héberger pendant une couple de mois, mais ce serait un honneur pour cet homme-là de m'offrir un endroit pour dormir. Tu vois comment il est, oh! T'es un ange! Dieu va te bénir, tu vas voir, tu vas être béni pour ça. Que Dieu me laisse juste mon lit, je vais être bien content. Allez, ma belle, va lui chercher une bière. Non, il a pas encore dit ma nouvelle. Non, la bière d'abord, on lui dira après. C'est quoi tout ça, hein? Où est-ce qu'il y a? Nulle part! C'est des très bonnes nouvelles, aidez! Je veux que tu sois content. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est trouvée un emploi. Quel emploi? Faut qu'elle finisse l'école. Eddie, tu croiras pas? Non, tu vas finir l'école. Ce que j'ai en emploi, de quoi tu parles? Tout d'un coup, tu... Fais juste écouter une minute, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Tu iras nulle part si tu finis pas l'école. Tu peux pas prendre le job. Pourquoi tu m'as pas demandé avant d'accepter? Oui, bien, elle te le demande, là. Elle a rien accepté encore. Écoute-moi juste une seconde. J'arrive en classe ce matin, le principal me fait appeler dans son bureau. Ouais? J'y vais. Là, il dit qu'il a regardé mon dossier, OK? Puis qu'il y a une compagnie qui a besoin d'une fille immédiatement. C'est pas exactement secrétaire, là. On commence par être ténon d'abord, mais très vite, on peut devenir secrétaire. Là, il dit que je suis la meilleure de toute ma classe. T'entends ça? Ouais, certain, c'est sûr que c'est la meilleure. Elle est la meilleure de toute ma classe. Puis si je veux, je peux prendre la job. Puis à la fin de l'année, il va faire passer l'examen, puis il va me donner mon diplôme. Comme ça, je sauve un an, presque. C'est où la job? Quelle compagnie? C'est une grosse compagnie de plomberie. Où ça? Proche du chantier maritime. 50$ par semaine, Nédé. 50? Je te jure. Puis qu'est-ce qui arrive avec tout ce que t'auras pas appris cette année? Mais j'ai plus rien à apprendre, Nédé, là. Faut juste que je pratique maintenant. Je connais tous les symboles, je connais le clavier. Faut que je gagne la vitesse, c'est tout. Puis en travaillant, je vais m'améliorer, tu comprends? Ben, le travail, c'est la meilleure façon de pratiquer. Ben, c'est pas ça que j'avais en tête. Mais pourquoi? C'est une belle grosse compagnie. J'aime pas ça, ce coin-là. Il dit que c'est même pas deux coins de rue du métro. Dans le bout du chantier maritime, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver en dedans de deux coins de rue. Puis une compagnie de plomberie. C'est quasiment en face du port, c'est presque pareil que débardeur. Ben oui, mais elle va travailler dans le bureau, et... Ben, je le sais qu'elle va travailler dans le bureau! C'est pas ça que j'avais en tête pour elle. Écoute, faut bien qu'elle commence à travailler un jour. Écoute, Béa, elle va se retrouver entourée de plombiers. Puis de marins, à gauche, à droite, sa rue. Ça aurait servi à quoi qu'elle aille à l'école? Mais c'est 50 piastres la semaine, aidée. T'es-tu déjà demandé de l'argent, moi? Je t'ai fait vivre jusqu'à maintenant. Je peux te faire vivre encore plus longtemps. S'il te plaît, fais-moi plaisir, OK? Je veux que tu fréquentes une autre classe de monde. Je veux que tu te retrouves dans un beau bureau. Peut-être un bureau d'avocat, quelque part à New York, dans un des beaux buildings. Je veux dire, si t'es pour sortir d'ici, sors par la grande porte. Ramasse-toi pas dans quasiment le même genre de milieu. OK, ma belle. Va finir de préparer le souper. Prends le temps d'y penser un peu, aider, s'il te plaît. Elle meurt d'envie d'aller travailler. C'est pas une petite shop, là. C'est une grosse compagnie. Un jour, elle pourrait devenir secrétaire. Ils l'ont choisie, elle, dans toute sa classe. C'est quoi qui t'inquiète? Elle est capable de se défendre. Elle sort du métro et est rendue au bureau en dedans de 2 minutes. Je le connais, ce coin-là, Béa. J'aime pas ça. Mais s'il est jamais rien arrivé ici, je vois pas pourquoi il arriverait quelque chose ailleurs. Écoute, là. Va falloir que tu te fasses à l'idée, c'est plus un bébé. Dis-y de prendre la job. Tu m'entends? Je te comprends pas. Elle a 17 ans. Tu comptes la garder à la maison toute sa vie? C'est quoi ça comme remarque? Mais je comprends pas jusqu'où ça va aller. Tout d'abord, il fallait qu'elle finisse son secondaire. Elle a fini son secondaire. Ensuite, il fallait qu'elle apprenne la sténo. Elle a appris la sténo. Puis là, maintenant, on va attendre quoi? Je suis sérieuse, aidée. Des fois, je te comprends pas. Ils l'ont choisie, elle, dans toute sa classe. C'est un honneur. Les cheveux détachés comme ça, t'as l'air de la Madone. Le sais-tu, ça? T'es vraiment le type Madone. Comme ça, t'as envie d'aller travailler, hein, la Madone? Ouais. OK, vas-y, va travailler. Hey, doucement! Pourquoi tu pleures? Je suis juste... Avec ma première paye, je vais acheter de la vaisselle toute neuve. Non, je suis sérieuse. Je vais arranger la maison grand complet. Oui, oui, oui, oui. Je vais acheter un tapis. Oui. Ensuite, tu vas déménager. Mais non, aidez. Pourquoi pas? C'est ça, la vie. Tu vas venir nous voir les dimanches, ensuite une fois par mois, pour finir à Noël puis au jour de l'an. Mais non, s'il te plaît. Je te demande juste une chose. Fais pas confiance à personne. T'as une bonne tante, mais elle a le cœur trop grand. T'as pas appris les bonnes affaires, crois-moi. Reste comme t'es, Catherine, écoute là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, toi? T'as passé toute ta vie dans une maison. T'as pas travaillé une journée de ta vie. Elle aime le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Il y a que la plupart du monde, c'est pas du monde. Elle va aller travailler. Des plombiers. Ils vont l'avaler tout rond, ça fait pas attention. Alors, crois-moi, Cat. Moins tu fais confiance au monde, moins tu le regrettes. La première affaire que je vais acheter, c'est un tapis. En BA. Comme tu veux. J'ai senti une odeur de café toute la journée. As-tu déchargé du café aujourd'hui? Ouais, un bateau du Brésil. Ah, je l'ai senti, moi aussi. C'était partout dans le quartier. Les journées comme aujourd'hui, c'est un vrai bonheur d'être débardeur. Je pourrais travailler ces bateaux de café 20 heures par jour. Tu descends dans la cale. Ça sent les fleurs, cette odeur-là. On va crever un sac demain, je t'en rapporterai. Assure-toi juste qu'il n'y a pas d'araignée dedans. Non, pour vrai, je me souviens encore de l'araignée qui est sortie du sac qu'il avait rapporté. J'ai failli faire une crise de cœur. Appelle ça une araignée, t'as voir les affaires qui sortent des bananes des fois. Oh, non! J'ai déjà vu des araignées capables de stopper une bio. OK, OK, c'est assez, tais-toi! Ben, tu sais que t'as commencé à parler d'araignée. OK, je m'excuse, je l'ai pas. Je vais juste pas en rapporter d'eau de la maison. Il est quelle heure, là? 9h15. Hey, ils arrivent à 10h? Environ, ouais. Eddie, supposons que quelqu'un demande s'ils habitent ici. Mais je veux dire, si quelqu'un pose la question. Non, là, écoute-moi bien, mon bébé, parce que ce que je vois, il y a encore des choses qui sont pas claires. Non, je veux juste dire, les gens vont les voir rentrer puis sortir. C'est pas grave qui les voit rentrer puis sortir. En autant que toi, t'es vois pas rentrer puis sortir. Pareil pour toi, Béa. Tu vois rien puis tu sais rien. Mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je comprends très bien. Non, tu comprends pas. Toi, tu penses encore que tu peux en parler juste un peu à quelqu'un. Là, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, parce que vous me rendez nerveux toutes les deux. Je m'en fous si quelqu'un rentre ici puis il va dormir par terre. L'important, c'est que ça sort jamais de votre bouche, ni qui ils sont, ni ce qu'ils font ici. Ouais, mais ma mère va le savoir. C'est clair qu'elle va le savoir. Faut juste pas que ce soit toi qui lui dise. C'est tout. On parle du gouvernement américain, du bureau de l'immigration. Si t'as dit quelque chose, c'est que tu savais quelque chose. Si t'as rien dit, c'est que tu savais rien. Ah, mais aidez, disons... Non, il n'y a pas de qui ni de quoi. Vous deux, vous savez rien. Ils ont des informateurs partout dans le quartier. Ils payent à chaque semaine pour de l'information. Vous avez aucune idée c'est qui. Ça se peut que ça soit votre meilleur ami. M'entendez-vous? Comme Vinnie Bolzano, te souviens-tu de Vinnie? Oh, oui, oui, que Dieu nous protège. Parle-y de Vinnie. Tu penses que je raconte n'importe quoi? Vas-y, dis-y. T'es encore un bébé dans le temps. Il y avait une famille qui habitait à côté chez sa mère. Lui, il avait à peu près 16 ans. Non, non, 14. Pas plus, j'allais à sa confirmation à l'église. Sa famille cachait son oncle dans la maison. Puis lui, ben, il est allé stouler à l'immigration. Le petit a stoulé? Oui, son oncle. Mais comment ça, il était fou? Il est devenu fou par après, ça, je te le garantis. Il y avait 5 frères puis son vieux père. Ils l'ont ramassé dans la cuisine. Ils l'ont traîné jusqu'en bas des marches, 3 étages. Sa tête revolait comme une noix de coco, c'était effrayant. Puis rendu dans la rue, là, ils ont craché dessus son propre père puis ses frères. Tout le quartier pleurait. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bon, oh, je pense qu'il est parti bien loin. Il n'est plus jamais revu, toi? Lui, il ne le reverra plus jamais ici. Un gars qui fait une affaire de même, il n'oserait plus jamais se remonter à la face dans le coin. Souviens-toi juste d'une affaire, la petite. Tu peux plus facilement retrouver 1 million qu'on t'a volé qu'une parole que t'a trahi. OK. Je dirai rien à personne, promis. Oh. Il va pleuvoir demain. Ça va être tout glissant sur le bateau. Peut-être qu'ils devraient leur sortir un petit quelque chose. Ils vont arriver bientôt. J'ai rien que du poisson. J'aimerais ça le gaspiller. S'ils ont déjà mangé, je vais attendre un peu. Ça prend une couple de minutes à cuire. Je pourrais le faire griller. Mais aidez, qu'est-ce qui va arriver quand le bateau va repartir et qu'ils ne seront pas à bord? Le capitaine ne va rien dire? Le capitaine reçoit sa part, qu'est-ce que tu penses? Le capitaine aussi. Ah oui, il y a eu le problème. Il faut bien qu'il gagne sa vie lui aussi. Le capitaine reçoit sa part, peut-être un des matelots. Le gars en Italie qui prépare les papiers. Tony Berelli aussi va avoir un petit quelque chose. J'espère juste qu'ils vont réussir à se trouver du travail. C'est tout ce que j'espère. C'est ça. Comme ça, tu commences à travailler lundi, hein, la madone? Ouais, supposé. Bon. J'espère que t'auras de la chance. Je te souhaite le meilleur, tu sais, ça. Tu parles comme si je partais à l'autre bout du monde. Je sais. J'imagine que j'avais juste oublié une chose. Quoi donc? Qu'un jour, t'allais grandir. Je pense que j'ai laissé mon cigare dans mon manteau. Ah, bouge pas, je vais aller chercher. C'est quoi, là? T'as un problème avec moi ces temps-ci? Moi? Non. J'ai pas de problème. Toi, t'as un problème. Tu perds la tête. Attends, je vais t'allumer. Faut pas que tu t'en fasses pour moi, Eddie. OK? Attention, pas de brûler. T'es mieux d'aller joindre Béa à la cuisine. Béa! J'arrive! C'était un brave homme. Il avait du cœur au ventre. Il essayait d'être à la hauteur de sa vie. Une vie dure et monotone. Il travaillait sur les quais quand il y avait du travail. Il rapportait sa paye à la maison. Et il vivait. Et à 10 heures ce soir-là, les cousins sont arrivés. C'est ici. Merci. Surtout, soyez prudents. On se voit demain sur les quais. Vous allez commencer à travailler. Merci. C'est la première maison où je vais poser le pied en Amérique, t'imagines? Hey! Chut! C'est Marco! Marco! Allez, prends leur valise! C'est toi, ma cousine! Béatrice! Oh. Lui, c'est mon mari! Aidez! Catherine! La fille de ma sœur, Nancy! Mon frère, Rodolfo! Aidez! Je veux te dire tout de suite, dès que tu nous dis de partir, on part. Oh, non. Peut-être que bientôt, on pourra avoir notre maison à nous. Vous êtes les bienvenus, Marco. On a beaucoup d'espace ici. Kat, ça a l'air à manger, veux-tu? Venez, je vous apporte un peu de soupe. On a mangé sur le bateau, merci. Merci! Venez! On va tous prendre un petit café, allez! Et comment ça se fait que Marco est tellement foncé, puis toi, t'as les cheveux tellement pâles, Rodolfo? Je sais pas. Il paraît qu'il y a 1000 ans, les Danois ont envahi la Sicile. Oh. Il est vraiment blond. Kat, ça vient le café? Il s'en vient. Vous avez fait un beau voyage? L'océan, c'est toujours difficile, mais on a le pied marin. Pas de problème à trouver l'endroit. Oh, l'homme nous a menés jusqu'ici. Il dit qu'on commence à travailler demain. Avez-vous déjà travaillé sur les quais en Italie? Les quais? Non. Dans notre ville, il n'y a pas de quai. Juste la plage et des petits bateaux de pêche. Et vous faisiez quoi comme travail là-bas? N'importe quoi, tout ce qui se présentait. Des fois, on construit une maison. Ah? Ou bien on répare le pont. Marco est maçon. Et moi, je lui apporte le ciment. Au moment des récoltes, on travaille dans les champs, quand il y a du travail. N'importe quoi. C'est encore difficile là-bas, hein? Oui, très difficile. Très difficile. On passe la journée debout dans la piazza à écouter le bruit de la fontaine, comme des oiseaux. Tout le monde attend le train, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le train? Rien. Oh. Mais si on est chanceux et qu'il y a beaucoup de passagers, on peut se faire quelques lires à pousser le taxi en haut de la colline. Vous êtes obligé de pousser le taxi? Ah oui! Oh. C'est une des attractions de notre ville. Nos chevaux sont plus maigres que des chèvres. Quand il y a trop de passagers, on aide à pousser jusqu'à l'hôtel. Dans notre ville, les chevaux, c'est seulement pour la parure. Pourquoi? Il n'y a pas de taxi à moteur? Il y en a un. On le pousse, lui aussi. Il faut tout pousser dans notre ville. T'imagines? Et vous comptez faire quoi? Rester ici au pays ou retourner chez vous? Retourner chez nous? Ah oui. T'es marié, non? Ah oui, j'ai 3 enfants. 3? Oh, je pensais juste un. Ah non, j'en ai 3 maintenant. 4, 5 et 6 ans. Oh... Je gâche qu'il pleure déjà ton absence, hein? Est-ce que j'ai le choix? L'aîné est malade des poumons. Ma femme, elle sort le pain de sa bouche pour les nourrir. Mais la vérité, c'est que si je reste là-bas, ils vont jamais grandir. Ils se nourrissent de la lumière du soleil. Oh, mon Dieu! Combien de temps vous voulez rester? Avec votre permission, on resterait peut-être... Elle veut pas dire ici dans la maison. Elle veut dire au pays. Ah. Je sais pas, je pensais peut-être 4, 5 ans. Il fait confiance à sa femme. Oui, mais peut-être que vous ferez assez d'argent pour y retourner plus vite, hein? J'espère. Je sais pas, il paraît que c'est pas si facile ici non plus. Bon, vous allez être correct. Le temps que vous remboursez le syndicat, en tout cas. Après, va falloir vous débrouiller tout seul, c'est tout. Mais vous allez mieux réussir ici que là-bas. Combien? On entend toutes sortes de chiffres. Combien est-ce qu'un homme peut faire? On travaille fort, on va travailler toute la journée, toute la nuit. En moyenne, sur une année, tu vois, c'est dur à dire. Hein? Des fois, on n'a rien à faire. Pas de bateau pendant 3-4 semaines. 3-4 semaines? Mais je pense que tu peux probablement ramasser 30-40 par semaine sur 12 mois. Dollars? Ben oui, dollars. Béatrice, si on pouvait rester ici quelques mois... Ben écoute, Marco, vous êtes les bienvenus. Parce que je pourrais leur envoyer un peu plus si j'habite ici. Aussi longtemps que tu veux, on a de l'espace en masse, hein? Ma femme, j'aimerais lui envoyer 20 $ dès que possible. Tu pourras envoyer quelque chose à partir de la semaine prochaine. Eduardo! Oh, remercie-moi pas. Ça m'enlève rien. Qu'est-ce qui est arrivé au café? Il s'en vient. T'es marié, toi aussi, non? Ah, non! Mais voyons, je te l'ai dit! Je sais. J'ai juste pensé qu'il s'était marié entre-temps. J'ai pas assez d'argent pour me marier. J'ai un beau visage, mais pas d'argent. Il est vraiment blond, hein? Tu veux rester ici, toi aussi, hein? Pour de bon? Moi, oui, pour toujours. Moi, je veux être un Américain. Et puis ensuite, je veux retourner en Italie. Quand je serai riche et m'acheter une motocyclette. Une motocyclette? Avec une motocyclette en Italie, on peut plus jamais mourir de faim. Je vais chercher le café. Et tu vas faire quoi avec une motocyclette? Il rêve. Pourquoi? Des messages. Les gens riches de l'hôtel ont toujours besoin de quelqu'un pour livrer un message. Rapidement et en faisant beaucoup de bruit. Avec une motocyclette bleue, je me posterai dans la cour de l'hôtel. Et très vite, j'aurai des messages à livrer. Quand on n'a pas de femme, on a des rêves. Et pourquoi pas juste marcher ou prendre l'autobus ou je sais pas? Non. La moto est nécessaire. Un homme entre dans un grand hôtel. Il dit, je suis messager. C'est qui cet homme-là? Il disparaît à pied, sans bruit, sans rien. Peut-être qu'il reviendra jamais. Peut-être qu'il livrera jamais le message. Mais un homme qui roule sur une moto imposante, cet homme-là est responsable. Cet homme-là existe. À lui, on donne des messages. Mais je suis aussi chanteur. Oh. Tu veux dire comme un vrai, là? Ah oui. Un soir, l'an dernier, Andreola est tombé malade, le baryton. Je l'ai remplacé dans le jardin de l'hôtel. 3 arias. J'ai chanté sans la moindre fausse note. On me lançait des billets de 1000 lire. L'argent pleuvait comme une tempête dans une banque. C'était magnifique. On a vécu 6 mois grâce à cette soirée-là. Hein, Marco? 2 mois. Et tu peux pas te trouver un emploi là-bas? Andreola s'est rétabli. C'est un baryton très costaud. Oh oui. Ouais, tu chantais trop fort. Trop fort? Trop fort. Les clients de l'hôtel sont tous anglais. Ils aiment pas ça quand ça chante trop fort. Personne n'a jamais dit que c'était trop fort. Moi, je le dis. Trop fort. Voilà, je l'ai su dès que c'est mis à chanter. Trop fort. Alors pourquoi ils ont lancé autant d'argent? Ils ont payé ton courage. Ah, les Anglais aiment le courage, mais une seule fois suffit. Jamais entendu personne dire que c'était trop fort. T'as déjà entendu parler du jazz? Oui, bien sûr, je chante du jazz. Tu peux nous chanter du jazz? Ah, je chante Napolitan, jazz. Bel canto, je chante Paper Doll. Ah! T'aimes Paper Doll? Mais c'est sûr, j'adore Paper Doll. Vas-y, chante. I'll tell you, boy, it's tough to be alone. It's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with the flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. Hey, kid, hey! Attends une minute. Mais laisse-le finir, c'est beau, il est formidable, c'est formidable, Rodolfo! Hey, écoute, le kid, tu peux pas te faire ramasser, hein? Hein? Mais non! Parce qu'on n'a jamais eu personne ici qui chantait. Puis là, tout d'un coup, on a un chanteur dans la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Eh oui. Tiens-toi tranquille, Rodolfo. Ils ont des gars un peu partout, Marco. Je suis sérieux. Oui, oui. Il va rester tranquille. Hein? Tu vas rester tranquille, Rodolfo? Hé, Greta Garbo. C'est pourquoi les talons hauts? Je me suis dit que pour ce soir... Fais-moi plaisir, veux-tu? Va te changer. Toutes des actrices dans cette maison. En Italie aussi. Toutes les filles. Ouais, hein? Oui. Surtout quand elles sont aussi belles. Est-ce que t'aimes le sucre? Le sucre? Oui. J'aime beaucoup le sucre. Qui peut vraiment savoir ce qu'on va découvrir? Eddie Carbone n'avait jamais soupçonné avoir un destin. Un homme travaille, élève une famille, mange, joue au quilles, vieillit et meurt. Mais à mesure que les semaines passaient, un avenir se dessinait. Un trouble refusait de s'évanouir. Il est passé 8 heures. La séance est toujours plus longue au Paramount. Ils ont bien dû voir tous les films qui jouent à Brooklyn à l'heure qui est. Il est supposé rester à la maison quand il travaille pas. Il est pas supposé aller se pavaner un peu partout. C'est son problème. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? S'il se fait ramasser, il se fait ramasser, c'est tout. Rentre à la maison. Puis qu'est-ce qui arrive avec sa sténo? Je la vois plus se pratiquer. Elle va s'y remettre. Elle est juste excitée, Eddie. Elle t'a dit quelque chose? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un bon petit gars. Qu'est-ce que tu lui veux? Lui, un bon petit gars. Il me donne la chair de poule. Oh, arrête donc. T'es juste jaloux. De lui. Seigneur, t'as une belle opinion de moi. Je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si épouvantable? Es-tu en train de me dire que toi, ça te va que lui devienne son mari? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est un bon gars. Il est travaillant. Il paraît bien. Il chante, ses bateaux. Savais-tu ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire, il chante? Exactement ce que je viens de dire. Il chante. Direct sur le pont, de coup sec. Une chanson grand complet sur de la bouche, avec les gestes pis tout. Tu sais comment il l'appelle maintenant? Paper Doll. Il l'appelle le canari. Il y a un genre bizarre. Il sort sur le pont, un, deux, trois, un vrai show. Ben oui, mais il est jeune. Il sait pas encore comment agir. Avec ses cheveux de fou, il a l'air d'une danseuse de cabaret ou je sais pas quoi. Mais pis ça, il est blond. J'espère juste que c'est ses vrais cheveux, c'est juste ça que j'espère. Es-tu rendu fou, toi? Pourquoi fou? J'aime pas son allure, c'est tout. Écoute, t'as jamais vu un gars blond avant? Pis Whitey Balzo? Ouais, mais Whitey, il chante pas, lui. Pis agit pas de même, ces bateaux. Mais oui, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils font en Italie. OK, comment ça fait que Marco, il chante pas, lui? Marco, il agit comme un homme. Y a personne qui rit de Marco. Je vais être franc avec toi, Béa, ça me surprend d'être obligé de te dire tout ça. Sérieusement, ça me surprend. Écoute-moi bien, là. Tu vas pas commencer à faire des histoires. Je commence rien. Mais je resterai pas là à regarder sans rien faire. C'est pas pour un énergumène pareil que je l'ai élevé. Non, je te jure, Béa, tu me surprends. Je suis là, j'attends que tu te réveilles. On dirait que tout est parfait pour toi. Non. Tout est pas parfait pour moi. Ah non? Non. Mais moi, il y a d'autres affaires qui m'inquiètent. Ah ouais? Ouais. Aimerais-tu ça que je t'en parle? Pourquoi? C'est quoi qui t'inquiète? Quand est-ce que je vais redevenir ta femme, Médée? Je me sens pas bien ces temps-ci. Ça me dérange depuis qu'ils sont là. Ça fait quasiment 3 mois que tu te sens pas bien. Ça fait juste une couple de semaines qu'ils sont là. 3 mois, Eddie. Je sais pas, Béa. Ça me tente pas d'en parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te plais plus, c'est ça? Comment ça, tu me plais plus? Je t'ai dit que je me sentais pas bien, c'est tout. Ben alors, dis-moi, j'ai fait quelque chose de pas correct. Parle-moi! Je peux pas en parler. Dis-moi ce que je fais. J'ai rien à dire là-dessus. Ça va bien aller, Béa, mais laisse-moi tranquille, OK? Je suis inquiet pour elle. La petite va avoir 18 ans. C'est assez, là? Béa, il a fait marcher. OK, mais c'est elle qui marche. C'est son affaire. C'est quoi, là? Tu vas la surveiller jusqu'à l'âge de 40 ans? Je veux que t'arrêtes ça tout de suite. M'entends-tu, là? J'aime pas ça. Maintenant, rentre à la maison. Je vais aller faire un tour. J'arrive tout de suite. Ils arriveront pas plus vite parce que t'attends dans la rue. C'est pas correct. Non, j'arrive tout de suite. Vas-y, toi, rentre. Hey, aidez! Ça te tente de jouer au bowling à soir? Ah, je suis trop fatigué. Je m'en vais me coucher. Ah. Hey, comment qu'ils vont, tes deux sous-marins? Correct. À ce que je peux voir, ils manquent pas de job, hein? Ouais. Ils se débrouillent bien. Ouais, c'est ça qu'on devrait faire, nous autres, hein? Sortir du pays, puis revenir en nageant sous l'eau, hein? Là, on aurait de la job. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça marche. C'est sûr. Tu sais, mon aidé, t'as bien du mérite de faire ce que tu fais, hein? Ah, oh, il me dérange pas, ça me coûte rien. Non, hey! Le plus vieux, là, est boy, hein? Un vrai taureau. Je l'ai vu l'autre jour charger des sacs de café, là. S'il l'avait laissé faire, il aurait loadé le bateau à lui tout seul. Ouais, il est fort, ce gars-là. Leur père, c'est un vrai géant, ça a l'air. Ouais, ça paraît. Il travaille comme un esclave. Mais le petit blond, par exemple, là... Tout un sens de l'humour, hein? Ouais, il est drôle. Ouais, pas vraiment drôle, là. Mais tu sais, il passe tout le temps des genres de commentaires, tu sais. Il se pointe, puis tout le monde part à rire. Ouais, bon, il a le sens de l'humour. Non, je veux dire, il passe tout le temps des genres de commentaires, là, tu sais. Ouais, je le sais, mais c'est encore juste un kid, hein. Il est jeune, c'est tout. Oh, non, je sais, non, je veux dire, on fait juste le regarder, puis tout le monde est heureux. Oh, hey, j'ai travaillé avec lui la semaine passée sur un bateau aidé. Je te le dis, là, tout le monde se roule à terre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ben, je sais pas. Non, il était juste comme comique. Puis t'arrives jamais vraiment à te souvenir de ce qu'il dit exactement, là. Mais tu sais, c'est la façon qu'il dit. Ouais. Ouais, il fait juste te regarder, puis tu pars à rire, c'est ça. Ouais, bon, il a le sens de l'humour. Ouais. Oh! Ben, écoute, je vais y aller. Ouais, fais attention à toi. Ouais. OK. Ah. Ben, écoute, si ça te tente d'aller au bowling tantôt, là, je vais être là. Just singing in the rain, what a glorious... Hey, Eddie! Le film est incroyable, on a tellement ri. Où vous êtes allé? Au Paramount. C'était avec les deux gars, le Paramount de Brooklyn. Ben oui, le Paramount de Brooklyn, je te l'ai dit qu'on allait pas... OK, j'ai juste posé une question. Je veux pas qu'elle tienne dans le bout de Times Square, tu comprends? C'est plein de racailles là-bas. J'aimerais ça aller une fois à Broadway aider. J'aimerais ça marcher avec elle une fois. Dans le coin des théâtres et des opéras. Je vois des images de ces lumières-là depuis que je suis tout petit. Je voudrais parler une minute, Rodolfo. Rentre en dedans, veux-tu? On se promène dans les rues, c'est tout. Elle m'apprend toutes sortes de choses. Sais-tu ce qui le frappe le plus? C'est qu'il n'y a pas de fontaine à Brooklyn. Des fontaines? Ben, il dit qu'en Italie, toutes les villes ont des fontaines. Les gens se donnent rendez-vous là-bas. Sais-tu quoi? Là d'où il vient? Ils ont des oranges dans les arbres puis des citrons. T'imagines, dans les arbres! Je veux dire, c'est intéressant. Mais il est fou de New York. Aidez, pourquoi on peut pas aller juste une fois à Broadway? Écoute, faut que j'y parle de quelque chose. Peut-être que tu pourrais venir toi aussi. Je veux voir toutes les lumières. Je vais aller faire un tour sur le bord de l'eau avant de me coucher. Pourquoi tu y parles jamais, Eddie? Il t'adore, puis toi, tu y parles jamais ou presque. Toi, je t'adore, puis tu me parles jamais. Moi, je te parle pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te vois plus jamais. Genre, ta maison, t'es toujours parti courir à gauche ou à droite. Ah, ben, il veut tout voir, c'est tout, là, ça fait qu'on y va. T'es fâché contre moi? Non. C'est juste que quand je rentrais à la maison avant, t'étais tout le temps là. Là, je me retourne. T'es rendue une grande fille. Je sais plus comment te parler. Comment ça? Je sais pas, tu cours, tu te sauves, Kat. J'ai l'impression que tu m'écoutes plus. Oh, Eddie, c'est sûr que je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimes pas? Toi, l'aimes-tu, Kat? Ouais, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que t'as contre lui? Je comprends pas, il t'adore. Il m'adore pas, Kat. Mais oui, t'es comme un père pour lui. Kat. Quoi, Eddie? Tu vas te marier avec lui. Je sais pas, là, on fait juste sortir ensemble, c'est tout. Qu'est-ce que t'as contre lui, Eddie? S'il te plaît, dis-moi, c'est quoi? Il te respecte pas. Comment ça? Catherine, si t'étais pas orpheline, est-ce qu'il demanderait pas la permission à ton père avant de te traîner partout comme ça? Ah, oh ben, il pensait pas que ça te dérangerait. Non, il sait que ça me dérange, mais ça le dérange pas que ça me dérange. Tu le vois pas, ça? Non, il y a beaucoup d'égards pour moi, puis pour toi aussi. Quand on traverse la rue, il me donne son bras. Il est quasiment à genoux devant moi. Non, tu te trompes complètement sur lui. Kat, il est juste à genoux devant son passeport. Son passeport? Oui, son passeport. S'il te marie, il peut devenir citoyen américain. C'est ça, la vérité. Comprends-tu ce que je te dis? Ce gars-là se cherche une passe. C'est tout ce qui l'intéresse. Oh non, je pense pas. Je pense pas, Kat, tu vas me faire broyer. Tu trouves que c'est un gars sérieux, ça? Il fait quoi avec sa première paye? Il s'achète un beau petit veston à la mode, des disques, une nouvelle paire de souliers pointus, pendant que les enfants de son frère crèvent de faim et de tuberculose là-bas. Ce gars-là, c'est un hit and run, mon bébé. Il rêve juste de lumière qui brille, de Broadway. Les gars comme lui pensent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Tu le maries, puis la prochaine fois que tu le vois, ça va être pour divorcer. Mais Eddie, il a jamais parlé de ses papiers. Penses-tu vraiment qu'il t'en parlerait? Je pense qu'il a même jamais pensé. À quoi d'autre tu penses? Il peut se faire ramasser n'importe quand. Il se retrouverait à pousser des taxis dans son pays, dans le temps de le dire. Oh non, je crois pas ça. Kat, tu me brises le cœur. Écoute-moi. Je veux l'entendre. Kat, écoute. Il m'aime. Kat, dis pas ça, s'il te plaît. C'est la plus vieille arnaque au pays. Je crois pas. Ils font ça depuis que la loi sur l'immigration existe. Ils mettent la main sur une petite fille naïve qui connaît rien, puis là... Je crois pas, puis je veux que t'arrêtes. Kat! Kat! Pourquoi t'en ramènes pas en réalité? Quand est-ce que tu vas la laisser tranquille? Béa, ce gars-là, il vaut rien. Vas-tu la laisser tranquille ou si tu veux me rendre folle? Je sais pas. Non, dis-moi pas que tu sais pas. T'es plus un bébé. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il veut pas m'écouter. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Il est pas ton père. Je comprends pas ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je lui crie ça au visage? Oh. Écoute, ma belle. Tu veux te marier, oui ou non? Qu'est-ce qui t'inquiète? Je sais pas, Béa. S'il est tellement contre, ça doit vouloir dire que c'est mal. Catherine, je veux te dire quelque chose. Y a-tu déjà eu un seul gars qui trouvait assez bon pour toi? Jamais, hein? Mais il dit que Rodolfo veut juste avoir ses papiers. Il est prêt à dire n'importe quoi, il s'en fout. Même si un prince se présentait, ça changerait rien, tu le sais, ça, hein? Ouais, j'imagine. Fait que ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu t'affirmes davantage. Tu te vois encore comme une petite fille. Mais il n'y a plus personne qui peut décider pour toi. Faut que tu lui fasses comprendre qu'il ne peut plus te donner des ordres. Mais comment je vais faire? Il pense que je suis un bébé. Et parce que toi, tu penses que t'es un bébé. Je te l'ai dit 50 fois. Tu peux pas agir comme t'agis. Tu te promènes encore en bébé doll devant lui. Je sais, j'ai oublié. Mais tu peux plus faire ça. C'est comme quand tu t'assois sur le bord du bain pour lui parler, là, pendant qu'il se rase en caleçon. Mais quand est-ce que j'ai fait ça? Mais pas plus tard que matin. Ben, j'avais quelque chose à y dire, puis je sais, je sais. Mais si t'agis comme un bébé, il va te traiter en bébé. Comme quand il rentre à la maison, là, puis que tu te jettes à son cou comme si t'avais 12 ans. Mais j'aime ça le voir, ça me rend heureuse. Écoute, je te dis pas quoi faire, mais je... Non, tu peux me le dire, Béa. Ouais. Mmh. Je suis toute mêlée. C'est juste que... Il a l'air tellement triste ces temps-ci, ça me fait mal. Bon, écoute, Catherine, si c'est pour te faire mal tant que ça, là, tu vas finir vieille fille. Non. Je te le dis, je plaisante pas, là. J'ai essayé de t'en parler une couple de fois dans la dernière année. C'est pour ça que j'étais tellement heureuse que tu trouves une job. Tu vas être moins souvent à la maison. Tu vas devenir plus indépendante. Non, je suis sérieuse. C'est merveilleux pour une famille de s'aimer autant, mais... T'es une femme, maintenant. Puis... Tu vis dans la même maison qu'un homme. Faut que t'agisses différemment. OK? OK, ouais, je vais m'en souvenir. Parce que ça dépend pas juste de lui, tu comprends ça? J'ai déjà dit la même chose à lui. Quoi ça? Et qu'il doit te laisser partir. Et tu comprends? Si c'est juste moi qui lui dis, il pense que j'y tombe dessus, ou que je suis jalouse, ou je sais pas quoi, là. Il a dit que t'étais jalouse? Non, je fais juste dire que c'est peut-être ça qu'il pense. Tu penses que je suis jalouse de toi, ma belle? Non, c'est la première fois que j'y pense. Ben, t'aurais peut-être dû y penser avant. Mais je le suis pas. On va s'en sortir. Arrange-toi pour bien lui faire comprendre, c'est tout. T'as pas à te battre avec lui, t'es juste... T'es une femme, c'est tout. Puis t'as un gentil garçon qui s'intéresse à toi. Le moment est venu de dire au revoir. OK. Si je suis capable. Catherine, t'as pas le choix. OK. C'est à cette époque-là qu'il est venu me voir pour la première fois. J'avais représenté son père dans une affaire d'accident quelques années auparavant et je connaissais un peu la famille. Je me souviens de lui au moment où il franchissait le pas de ma porte. Ses yeux étaient comme des tunnels. J'ai tout de suite pensé qu'il avait commis un crime. Mais j'ai rapidement compris que c'était une passion qui avait pris possession de son corps. Comme une créature étrangère. Je ne comprends pas très bien ce que tu attends de moi. Est-ce qu'il y a une question de droit dans tout ça? C'est ça que je vais vous demander. Parce qu'il n'y a absolument rien d'illégal à ce qu'une jeune fille tombe amoureuse d'un immigrant. Oui, mais si la seule raison, c'est pour avoir ses papiers. Ah ben pour commencer, ça t'en est pas sûr. Je le vois dans ses yeux. Il se moque d'elle, puis il se moque de moi. Eddie, je suis un avocat. Je ne travaille qu'avec des preuves tangibles. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Es-tu capable de prouver quelque chose? Je le sais, ce qu'il y a en arrière de la tête, M. Alfieri. Et même si t'arrivais à le prouver... Écoutez-moi! Pouvez-vous juste m'écouter? Mon père m'a toujours dit que vous êtes un homme intelligent. Je vais vous m'écouter. Je suis juste un avocat. Voulez-vous bien m'écouter? Je vous parle de la loi. Laissez-moi juste sortir ce que j'essaie de dire. Un homme qui rentre illégal au pays... Ça tombe sous le sens qu'il va mettre tout son argent de côté, non? Parce que c'est pas le jour au lendemain, c'est quoi qui l'attend, pas vrai? OK. Bon, lui, il dépense. Il dépense, dépense. S'achète des souliers, des disques, des vestons, vous comprenez? Ce gars-là est pas inquiet. Ce gars-là est ici pour rester. Ça doit vouloir dire qu'il est déjà tout figuré dans sa tête. Il va rester, non? Ben oui, et puis? OK. On parle confidentiel, hein? Absolument. Je veux dire, ça sort pas d'ici parce que... J'aime pas ça dire ça par rapport à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Même ma femme, j'ai pas dit ça exactement. Ben, ce gars-là, il est pas bien, M. Alfieri. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, Il est pas normal. Je te suis pas. L'avez-vous déjà vu? Je pense pas, non? Il est blond. Comme platine. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je veux dire, si vous soufflez dessus, il peut partir au vent. Mais c'est pas une raison... Attendez une seconde, je vous dis quelque chose. Il chante, vous comprenez? Ça, je veux dire, c'est bien correct. Mais de temps en temps, il frappe une note. Il me retourne, vous dire, tellement haute la note. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, bon, c'est un ténor. Non, je le sais, c'est quoi un ténor, monsieur Atterri? Lui, c'est pas un ténor, je vous le dis. Si vous rentrez dans la maison, vous savez pas qui chante. Vous chercherez pas un « il », vous chercherez une « elle ». Mais ça veut pas dire... Non, attendez une seconde, je vous dis quelque chose, s'il vous plaît, monsieur Atterri. C'est moi juste sortir mes idées. Une coupe de soir. Ma nièce, elle sort une robe qui est rendue trop petite pour elle. Elle a poussé comme la mauvaise herbe dans la dernière année. Et lui, il prend la robe, la met sur la table, la coupe. Un, deux, trois, nous sort une nouvelle robe. Il avait l'air tellement adorable. Comme un ange. Vous auriez pu l'embrasser tellement il était adorable. Bon, écoute-moi bien, Eddie. Je moque tout de lui sur les quais, monsieur Alfieri. J'ai honte. Il l'appelle Paper Doll. Puis Blondie, maintenant. Son frère pense que c'est parce qu'il sent l'humour, mais... C'est vrai, mais... C'est pas pour ça que le monde rit. Ils diront pas c'est pourquoi, parce qu'ils savent qu'il est de la famille, puis ils vont avoir affaire à moi s'ils se moquent de lui. Mais je le sais, moi, c'est quoi qui fait rire. Quand j'imagine ce gars-là mettre ses pattes sales sur elle, je pourrais. Ça me ronge par en dedans, M. Alfieri, parce que je me suis battu pour cet enfant-là. Puis là, lui, il débarque dans ma maison, puis... Eddie, écoute. J'ai des enfants, moi aussi, je te comprends. Mais la loi est très pointue. La loi... Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de loi pour empêcher un gars pas normal de magouiller pour marier une fille? T'as aucun recours légal, Eddie. Oui, mais c'est pas normal, M. Alfieri, vous voulez pas me dire... Il n'y a rien que tu puisses faire, Eddie, crois-moi. Rien. Rien du tout. Il n'y a qu'une seule question légale dans ce cas-ci. C'est quoi? La façon dont ils sont entrés au pays. Mais je pense pas que tu veuilles toucher à ça, n'est-ce pas? Vous voulez dire? Ils sont rentrés illégalement. Oh, Jésus, non. Jamais je toucherai à ça, jamais. Parfait, parfait. Maintenant, laisse-moi parler, monsieur d'accord? Monsieur Atterri, je peux pas croire ce que vous me dites. Je veux dire, il doit avoir un genre de loi... Eddie, qui... je veux que tu m'écoutes. Tu sais, parfois, Dieu embrouille l'esprit des gens. On aime tous quelqu'un. Notre femme, nos enfants, tout le monde aime quelqu'un, n'est-ce pas? Mais des fois, c'est trop. Il y a trop d'amour. Il s'infiltre là où il ne devrait pas. Un homme travaille fort. Il élève une enfant. Des fois, c'est sa nièce. Des fois, même sa propre fille. Il ne s'en rend pas vraiment compte. Et au fil du temps, il y a trop d'amour pour sa fille. Trop d'amour pour sa nièce. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Vous voulez dire que je devrais pas prendre soin d'elle? Oui! Mais il faut que ça s'arrête un jour, Eddie. C'est tout. L'enfant doit grandir et s'en aller. L'homme doit apprendre à oublier. Parce qu'après tout, Eddie, comment veux-tu qu'il en soit autrement? Laisse-la partir. C'est le conseil que je te donne. T'as fait ton travail. Maintenant, c'est sa vie à elle. Souhaite-lui bonne chance et laisse-la partir. Peux-tu faire ça? Parce qu'il n'y a aucune loi, Eddie. Fais-toi l'idée. La loi ne s'intéresse pas à ce genre de situation. Vous voulez me dire que même si c'est un voyou, même s'il n'est pas normal... Tu peux rien faire. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une bonne pâte, moi. Qu'est-ce que je voulais que ça fasse, une bonne pâte? J'ai travaillé comme un chien pendant 20 ans pour qu'un petit voyou vienne l'apprendre. C'est ça que j'ai fait. Je veux dire, dans les pires moments, les pires des pires, quand il n'y avait aucun navire dans le port, je peux rester là rien faire, mais surtout ces manches. Quand les ports de Brooklyn étaient vides, je suis allé à Hoboken, Staten Island, Westside, Jersey, partout, parce que j'avais fait une promesse. J'ai sorti le pain de ma bouche pour y donner. J'ai sorti de la bouche de ma femme. J'ai marché la ville de ventre vide plus souvent qu'à mon tour. Puis là, il faudrait que je reste assis à regarder un petit trou de cul de voyou qui est sorti de nulle part. J'offre ma maison pour qu'il dorme dedans. J'ai ôté les couvertures de mon lit pour y donner. Lui, il prend tout puis il met ses grosses pattes sales sur elle comme un voleur. Mais Eddie, c'est une femme maintenant. Il vole ce qui est à moi. Elle veut se marier, Eddie. Elle peut quand même pas se marier avec toi. Mais de quoi vous parlez, se marier avec moi, Chris? De quoi vous parlez? Je t'ai donné mon opinion. C'est tout. Ouais, merci. Merci beaucoup. C'est juste que ça me fend le cœur, vous comprenez? Je comprends. Essaie d'oublier tout ça. Es-tu capable de faire ça? Je suis... À bientôt. Il y a des moments où on voudrait sonner l'alarme. Mais rien de concret est encore arrivé. Et pourtant, je savais. Je savais à cet instant précis. J'aurais pu écrire la fin de l'histoire cet après-midi-là. C'était pas un grand mystère à élucider. Je pouvais voir venir chaque étape, une après l'autre. Comme une silhouette sombre qui avance inéluctablement dans un couloir, vers une issue certaine. Je savais où il se dirigeait. Je savais où il allait finir. Et je suis resté là bien des après-midi à me demander pourquoi, moi, un homme intelligent, j'étais si impuissant à arrêter le cours des choses. Je suis même allé consulter une vieille dame du quartier, une vieille dame très sage. Je lui en ai parlé. Elle a simplement hoché la tête et elle a dit « Priez pour lui ». Alors, je suis resté là, à attendre. Sais-tu jusqu'où ils sont allés une fois? Non, où ça? En Afrique, sur un bateau de pêche. Pour vrai, Eddie. J'ai rien dit. Puis moi, je suis même jamais allé à Staten Island. T'as rien manqué. Combien de temps ça t'a pris, Marco, te rendre en Afrique? 2 jours. On se promène un peu partout. Une fois, on est allé en Yougoslavie. Oh, wow! Ils payent correctement sur ces bateaux-là. Quand ils attrapent du poisson, ils payent bien, ouais. Mais c'est des bateaux de famille. Nous, personne n'en avait un. Alors on travaillait seulement quand une des familles tombait malade. Sais-tu quoi? Marco, moi, ce que je comprends pas, il y a un océan bourré de poissons, puis vous autres, vous crevez tous de faim. Faut avoir des bateaux, des filets, ça prend de l'argent. Mais oui, mais ils pourraient pas, je sais pas, moi, disons, pêcher de la plage. Ben, on voit ça à Coney Island. Des sardines? Ah oui, c'est sûr. Comment tu veux pêcher des sardines avec un hameçon? Oh, je savais pas que c'était des sardines. C'est des sardines. Voyez-tu partout dans l'océan? En Afrique, en Yougoslavie. C'est drôle quand même, hein? On pense jamais que les sardines, ça nage dans l'océan. Je sais, c'est comme pour les oranges pis les citrons dans les arbres. Je veux dire, penses-tu, toi, des fois, aux oranges pis aux citrons dans les arbres? Ouais, je sais, c'est drôle. J'entends-tu dire qu'ils peinturent les oranges pour qu'elles soient oranges? Peinture? Ouais. J'entends-tu dire que ça pousse vert? Non, non, en Italie, les oranges sont oranges. Les citrons sont verts! Je le sais que les citrons sont verts, plein mot du Christ! On les voit des fois au magasin. Ils sont verts. Je parlais des oranges qui peinturent. Jamais rien dit ces citrons. Ta femme, Marco, elle reçoit l'argent comme il faut. Oui. Elle a acheté des médicaments pour mon fils. Oh, ça, c'est merveilleux. Tu dois te sentir mieux. Oui. Mais bon, je me sens un peu seul. J'espère que tu feras pas comme d'autres gars dans le coin. Ça fait 25 ans qu'ils sont arrivés, puis ils n'ont pas encore ramassé assez d'argent pour retourner dans leur pays. Ah, je sais, il y a beaucoup de familles dans notre ville qui ont des enfants qui n'ont jamais vu leur père. Mais moi, je vais y retourner. Dans 3-4 ans, j'espère. Tu devrais peut-être t'en garder un peu plus ici, hein? Parce que si ta femme pense que l'argent rentre facilement, tu pourras jamais en accumuler. Non, non, j'économise, mais je lui envoie tout ce que je peux. Ah. Ma femme se sent seule aussi. Elle doit être gentille. Elle est jolie. Je gage qu'elle est très jolie, hein? Non, mais elle comprend tout. Oh, sa femme est très intelligente. Ah. Je gage qu'il y a beaucoup de surprises qui attendent les gars des fois quand ils retournent chez eux. Des surprises? Ben oui, tu sais, ils comptent le nombre d'enfants. Il y en a une couple de plus que quand ils sont partis. Non, non, les femmes attendent. La plupart des femmes, il y a très peu de surprises. C'est plus strict dans notre ville. C'est pas aussi libre. C'est pas aussi libre que tu penses ici non plus, Rodolfo. J'ai vu bien des jeunes se mettre dans le trouble pour ça. Ils pensent que parce qu'une fille se promène pas avec un châle sur la tête, elle est pas stricte. Une fille a pas besoin de porter une robe noire pour être stricte. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours eu du respect. Ah, je sais. Mais dans ta ville, tu te permettrais pas de traîner une fille sans demander la permission. C'est ça que je veux dire. Tu comprends, Marco? C'est pas trop différent ici. Oui. Mais il l'a pas exactement traîné. Ah, je sais. Mais j'en ai vu se faire des idées des fois. C'est peut-être un peu plus libre, mais c'est aussi strict. J'ai du respect pour elle. J'ai fait quelque chose de mal. Écoute, le kid, je suis juste son oncle, je suis pas son père. Ben, je suis donc comme son oncle, d'abord. Oh, je sais pas. Non, non, s'il fait quelque chose de mal, il faut lui dire. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Eh bien, Marco, avant qu'il arrive ici, elle restait jamais dehors jusqu'à minuit. À partir de maintenant, tu rentres tôt, Rodolfo. Mais t'as dit que le film avait fini tard, non? Ouais. Bon, ben alors dis-lui, ma belle, le film... Écoute, Béa, je fais juste dire, il pense qu'il est toujours sorti aussi tard. Tu rentres tôt maintenant, compris? Bon, d'accord. Mais je peux pas rester tout le temps à la maison aider. Écoute, le kid, je parle pas juste pour elle. Plus tu cours partout, plus tu prends des risques. Supposons que tu te fais frapper par une auto, je sais pas, là. Sont où ses papiers, c'est qui, lui? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est qui, lui, durant le jour aussi? Il court les mêmes risques durant le jour? Ouais, mais il est pas obligé de courir après, Béatrice. S'il est venu ici pour travailler, mais qu'il travaille. S'il est venu pour avoir du plaisir, à ce moment-là, il peut niaiser. Mais moi, ce que j'avais compris, Marco, c'est que vous êtes venus ici tous les deux pour ramasser de l'argent pour la famille. Tu me comprends, Marco? Je te demande pardon, Eddie. C'est ça que j'avais compris, moi, en tout cas. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est venus. Tout ce que je demande. Tu veux danser, Rodolfo? Non, je suis fatigué. Non, non, non. Vas-y, Rodolfo, danse avec elle. Allez, allez, allez. Ben oui, viens-t'en, ils sont vraiment bons, ces gars-là. Viens. C'est quoi ça? Un nouveau disque? C'est le même, on l'a acheté l'autre jour. Ils en ont juste acheté 3, c'est tout. Ça doit être bien, hein? De voyager un peu partout sur les bateaux de pêche. J'aimerais ça, moi, voir tous ces pays-là. Mais les femmes peuvent pas y aller, j'imagine. Pas sur les bateaux, trop dur. Et vous avez quoi là-dessus? Une vraie cuisine et tout? On mange très bien sur les bateaux. Surtout quand Rodolfo est là, tout le monde en graisse. Ouh! Il fait à manger! Très bon cuisinier, hein? Riz, pasta, poisson. Oh! Il fait à manger en plus! Il chante, il fait à manger! C'est bien ça! Il sera toujours capable de gagner sa vie! C'est merveilleux! Il chante, il sait faire à manger, il sait faire des robes! Ils sont payés cher, ces gars-là! Dans tous les grands hôtels, les chefs cuisiniers, c'est des hommes! Ils écrivent même des articles sur eux autres. C'est ça que je dis! Ouais, ben en tout cas... Non, il est chanceux, crois-moi! C'est pour ça que les quais, c'est pas une bonne place pour lui! Prends-moi, par exemple! Je sais pas chanter, je sais pas cuisiner, je sais pas faire des robes. Ça fait que je travaille sur les quais. Mais si j'étais capable de chanter, de cuisiner puis de faire des robes, je serais pas sur les quais. Je serais quelque part ailleurs. Je travaillerais dans un magasin de robes, peut-être! Qu'est-ce que t'en penses, hein, Marco? On va-tu à la boxe samedi soir? Just un combat. Seulement dans les films. C'est ma traite. Qu'est-ce que t'en penses, le Danois? Ça te tente de venir, je paye l'étiquette. C'est clair, j'aimerais ça y aller. Je vais préparer le café, OK? Ah, va nous préparer ça, fais-nous ça bien bon, bien fort. Attends de voir ça, Marco, tu vas assister à des vrais combats. As-tu déjà boxé? Jamais, non. Toi, je gage que oui. Non. Viens-t'en, va t'apprendre. Mais voyons, pourquoi il voudrait apprendre ça? On sait jamais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va épiler ses pieds, je sais pas, là. Ah, viens-t'en, Rodolfo, je vais t'apprendre une coupe de passe. Mais vas-y, Rodolfo, c'est un bon boxeur, hein, il pourrait t'apprendre. Je sais pas comment. Fais juste lever tes mains devant toi. Tu vois? Comme ça, c'est beau. Garde ta droite en l'air. C'est avec elle que tu frappes, tu vois? Comme ça. T'as vu? OK, là, ce qu'il faut que tu fasses, tu dois me bloquer. Comme ça, si moi j'arrive sur toi, toi tu. Hey, c'est bon ça! OK, toi, vas-y, frappe-moi, vas-y. Je veux pas te frapper, Eddie. Et pas pitié de moi, je vais te montrer comment bloquer. Hey, non. Hey, OK, envoie-en un autre, vise la mâchoire juste là. Wow! Hey, très bon! Qu'est-ce qu'il faut? Il est en train d'y apprendre, il est très bon! Certain, il est formidable! OK, envoie-le, donne-moi, mais un peu plus d'honneur. Vas-y, je vais pas me faire mal. Oh, t'as beau! Oh, certains, ils se perdent, regardez la ligne! Oh, non, oh. OK, attention, le Danois, j'arrive! Oh! Aidez! Quoi? T'es pas fait mal? T'es fait mal, le kid? Non! Il m'a pas fait mal! Ça m'a surpris, c'est tout! OK, ça c'est, là, aidez, hein! C'est bien débrouillé, par exemple, hein! Il est bon! Pour devenir très bon, Marco! Ouais. Je donnerai une autre leçon. Viens danser, Catherine. Allez. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes we'll have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. Es-tu capable de lever cette chaise-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça. Doll that I can call my own. Ben oui, pourquoi pas? That other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be. Seigneur, c'est dur. Je n'aurais jamais pensé. C'est à cause de l'âme, c'est ça, hein? I'd rather have a paper doll to call my own than have a paper to find a real Le 23 décembre de cette année-là, une caisse de scotch a glissé d'un filet au moment de décharger le bateau. Tout comme serait porté à le faire une caisse de scotch un 23 décembre sur le quai numéro 41. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de neige. Béatrice était sortie faire des courses. Marco était toujours au travail. Le jeune garçon n'avait pas été engagé cette journée-là. Catherine m'a raconté plus tard que c'était la première fois qu'ils s'étaient retrouvés tous les deux seuls dans la maison. As-tu faim? Pas pour manger. J'ai presque 300 dollars. Catherine! Je t'ai entendu! T'as plus envie d'en parler? Non, ça ne me dérange pas d'en parler. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'aurais une question à te poser. Je peux? Toutes les réponses se trouvent dans mes yeux. Mais tu me regardes plus dans les yeux dernièrement, t'es pleine de secrets. C'est quoi ta question? Supposons que je veux vivre en Italie. Tu veux épouser quelqu'un de riche? Non, je veux dire vivre là-bas, toi et moi. Quand ça? Mais quand on va se marier. Tu veux devenir italienne? Non, je peux vivre là-bas sans être italienne. Il y a des Américains qui vivent là-bas. Pour toujours? Ouais. Tu veux rire? Non, je suis sérieuse. Où t'es allée pêcher une idée pareille? Tu dis tout le temps à quel point c'est beau là-bas. Avec les montagnes, l'océan... Tu veux rire de moi? Non, je suis sérieuse! Catherine, si jamais je te ramenais chez moi sans argent, sans travail, sans rien, ils appelleraient le prêtre et le docteur. Ils diraient « Rodolfo est un fou ». Je sais, mais je pense qu'on serait plus heureux là-bas. Plus heureux? Tu vas manger quoi? Le paysage, ça se mange pas. Mais peut-être que tu pourrais devenir chanteur. À Rome, peut-être, ou... Rome! Rome est bourré de chanteurs! Bon, ben alors moi, je pourrais travailler. Où ça? Ben Seigneur, il doit bien y avoir du travail quelque part. Y a rien! Rien de rien! Maintenant, dis-moi de quoi tu parles. Comment je peux t'enlever d'un pays riche pour t'emmener souffrir dans un pays pauvre? De quoi tu parles? Je serais un criminel qui volerait ton visage. Dans 2 ans, t'auras un vieux visage affamé. Quand les bébés de mon frère pleurent, on leur donne de l'eau. De l'eau dans laquelle on a fait bouillir un os. Tu me crois pas? J'ai peur d'aider ici. Quoi? J'ai peur d'aider ici. On vivra pas ici. Dès que j'ai ma citoyenneté, je peux travailler n'importe où. Je me trouverai de meilleurs emplois et on aurait une maison, Catherine. Si j'avais pas tout le temps peur de me faire arrêter, je commencerais à devenir quelque chose de merveilleux ici. Dis-moi juste une chose. Je veux juste que tu me dises, Rodolfo. Est-ce que tu voudrais quand même m'épouser si on devait aller vivre en Italie? Je veux dire, si on en venait à ça. C'est toi qui me poses la question. Ou c'est lui? J'aimerais savoir, Rodolfo. Vraiment. Partir là-bas avec rien dans les poches. Ouais. Non. Non. Non, tu voudrais pas? Non! Je t'épouserai pas pour aller vivre en Italie! Je veux que tu sois ma femme et je veux devenir citoyen américain! Dis-lui ça! Ou c'est moi qui vais lui dire, oui! Et dis-lui aussi, et tu peux te le dire à toi-même, s'il te plaît, que je suis pas un mendiant! Et t'es pas un animal, un cheval, une offrande, une faveur pour un pauvre immigrant! Mais t'es pas obligé de te fâcher! Je suis furieux! Tu penses que je suis vraiment désespéré? Mon frère est désespéré, pas moi! Tu penses que je me mettrais sur le dos, et pour le reste de mes jours, la charge d'une femme que j'aime pas, juste pour devenir américain? C'est si merveilleux que ça ici! Tu penses qu'on n'a pas de grands immeubles en Italie? Pas d'électricité, pas d'avenue, pas de drapeau, pas d'auto! C'est seulement du travail qu'on n'a pas! Je veux devenir américain pour pouvoir travailler. C'est la seule chose merveilleuse ici, le travail! Comment tu peux m'insulter comme ça, Catherine? Mais je voulais pas dire que... Mon cœur meurt quand je te regarde. Pourquoi t'as si peur de lui? Je sais pas. As-tu confiance en moi, Catherine? C'est juste que je... Il a toujours été bon pour moi, Rodolfo, tu le connais pas. Il a toujours été le plus gentil des hommes avec moi. Généreux. Il est souvent sur mon dos, mais c'est pas méchant, je le sais. J'aurais juste honte de moi si je lui faisais de la peine. Parce que j'ai toujours rêvé qu'il serait heureux le jour de mon mariage. Il rirait. Mais là, il est tout le temps fâché puis méchant. Dis-lui que t'es prêt à vivre en Italie, dis-lui seulement ça, puis peut-être qu'il va te faire un peu plus confiance, tu comprends? Parce que je veux qu'il soit heureux. Je veux dire, il compte pour moi, Rodolfo, puis je peux pas supporter ça. Oh, Catherine. Ma petite Catherine. Je t'aime, Rodolfo. Je t'aime. Alors de quoi t'as peur? Qu'il donne la fessée? Oh, ripole-moi, fais pas ça! J'ai vécu ici toute ma vie. Tous les matins, je l'ai vu partir, puis tous les soirs, je l'ai vu rentrer à la maison. Tu penses que c'est si facile de dire à un homme tout d'un coup qu'il n'est plus rien pour toi? Je sais! Non, tu sais pas, personne le sait. Je suis pas un bébé. J'en connais pas mal plus que le monde pense. Béa me dit de faire une femme de moi, mais... Oui! Mais pourquoi elle a fait pas une femme d'elle? Moi, si j'avais un mari, je le rendrais heureux au lieu d'y tomber tout le temps dessus. Moi, je le sens tout de suite quand il est triste. Quand il y a les bleus puis qu'il a juste envie de parler à quelqu'un tout doux, tranquille. Je sais quand il a faim ou qu'il veut une bière, même avant qu'il le dise. Je sais quand il a mal au dos, je veux dire. Je le connais. Mais maintenant, je devrais faire comme s'il était un étranger. Je comprends pas pourquoi j'aurais à faire ça. Catherine! Si je... Si je recueille un petit oiseau dans mes mains, qui grandit et qui veut voler, mais que je refuse d'ouvrir mes mains pour le laisser sortir parce que je l'aime tellement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je te dis pas de le détester, mais tu dois partir d'une façon ou d'une autre, non? Catherine... C'est à moi dans tes bras. Apprends-moi, je connais rien, Rodolfo. Serre-moi fort. Il n'y a personne ici en ce moment. Viens avec moi. Viens. Et arrête de pleurer. De bonne heure? C'est Noël, on a fini plus tôt. Rodolfo t'a fait une robe. Béatrice est partie acheter des cadeaux pour sa mère. Ramasse tes affaires. Prends tes affaires et sors d'ici. Où tu vas? Je pense qu'il faut que je sorte d'ici aider. Non, toi tu t'en vas nulle part. C'est lui. Je pense que je peux plus rester. Désolée, aider. Non, s'il te plaît, pleure pas. Je vais habiter dans le coin et on va se voir. Je peux juste plus rester ici. Tu sais que je peux pas, tu sais ça. Souhaite-moi bonne chance. Oh, ne sois pas comme ça. Tu t'en vas pas nulle part. Aidez, c'est fini. Je veux plus être un bébé. Arrête ça! Respecte-la! Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle va devenir ma femme! C'est ça que je veux, ma femme! Mais toi, tu vas être quoi? Je vais te montrer ce que je suis! Va m'attendre dehors! Discute pas avec lui! Viens-t'en, viens montrer ça! Montre-moi ce que t'as dans le ventre! Parle-moi pas comme ça! Lâche-le, tu m'entends, je vais te tuer! Lâche-le! T'as vu ça? Je te donne jusqu'à demain, Elkin. Dégage! Tout seul, tu m'entends? Tu t'en vas tout seul! Je pars avec lui, aider! Pars avec ça! Pousse-moi pas à bout, Kat. Et toi, sous-marin, fais bien attention où tu mets les pieds. Légalement, ils ont le droit de te rejeter dans la mer, mais j'ai pitié de toi. Dégage! Il remet plus jamais tes pattes sales sur elle. Sauf si tu veux sortir les pieds devant. Le 27 décembre, il est venu me voir pour la deuxième fois. En général, je rentre chez moi bien avant 18 heures, mais ce jour-là, je suis resté là, à regarder la baie par ma fenêtre. Quand je l'ai vu franchir le pas de ma porte, j'ai compris pourquoi j'avais attendu. Et si j'ai l'air de raconter tout ça comme s'il s'agissait d'un rêve, c'est que c'était le cas. Bien des fois, au cours de nos deux échanges, j'ai réalisé à quel point je me sentais presque pétrifié, comme si j'avais perdu toute ma force. Je l'ai regardé dans les yeux bien plus que je ne l'ai écouté. En fait, j'arrive à peine à me souvenir de notre conversation. Mais j'oublierai jamais à quel point la pièce est devenue sombre quand il m'a regardé. Ses yeux, comme des tunnels. Je passais mon temps à vouloir appeler la police. Mais c'était rien passé. Il s'était absolument rien passé. Donc, en d'autres mots, il refuse de partir, c'est bien ça? Ma femme parle de leur louer une chambre au-dessus de chez nous. La vieille au dernier étage en a une de libre. Marco, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Il reste juste assis là. Parle pas beaucoup, Marco. J'imagine qu'ils lui ont pas raconté, hein? Ce qui s'est passé. Je sais pas. Marco, il parle pas beaucoup. Et ta femme? Personne qui parle beaucoup dans la maison. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Mais t'as rien prouvé. On dirait juste qu'il était pas assez fort pour se dégager de ton emprise. Je vous le dis, je le sais. Quelqu'un qui veut résister, il est capable de se dégager. Même une souris. Si vous attrapez une petite souris de rien, puis vous la serrez fort dans votre main, cette souris-là est capable de se défendre comme du monde. Lui, il s'est pas défendu comme du monde. Moi, je le sais, Monsieur Affieri, ce gars-là est pas normal. Pourquoi t'as fait ça, Eddie? Pour qu'elle voie comment il est vraiment. Pour qu'elle voie une bonne fois pour toutes. Sa mère se retournerait dans sa tombe. Bon, je fais quoi maintenant? Dites-moi quoi faire. Elle a vraiment dit qu'elle allait l'épouser? Oui, elle me l'a dit. Alors, je fais quoi? C'est mon dernier mot, Eddie. Tu choisis de m'écouter ou pas, ça te regarde. Mais moralement et légalement, t'as aucun droit. Tu peux rien empêcher. Elle est libre de ses actes. Vous avez pas entendu ce que je vous ai dit? J'ai entendu ce que tu m'as dit. Et je te donne la réponse. Et c'est pas des paroles en l'air. Je te mets en garde. C'est un avertissement. La loi est dictée par la nature. La loi, c'est juste un mot pour nommer ce qui a le droit d'arriver. Quand la loi se trompe, c'est qu'elle est contre nature. Mais dans ce cas-ci, tout coule de source. Une rivière va t'engloutir si tu essaies de l'arrêter. Donne-lui ta bénédiction et laisse-la partir. Il fallait bien que quelqu'un vienne la chercher un jour ou l'autre, non? Qu'est-ce que tu fais, Eddie? Il ne te restera plus un seul ami sur Terre, Eddie. Même ceux qui comprennent vont se retourner contre toi. Même ceux qui ressentent la même chose que toi vont te mépriser. Ôte-toi ça de la tête, Eddie. Eddie! Eddie! Donnez-moi le numéro du bureau de l'immigration. Merci. J'ai quelque chose à dénoncer. Les immigrants illégaux. Sont deux. C'est ça. 441 Saxon Street. Brooklyn, ouais. Rez-de-chaussée. Hein? Moi, j'habite dans le coin, c'est tout. Quoi? Ils sont passés où, tout le monde? J'ai dit, ils sont passés où? J'ai décidé de les déménager en haut, chez Madame Dondero. Oh. Ils sont déjà tout déménagés? Ouais. Et où, Catherine? Est allée leur porter des têtes d'oreiller. Elle déménage pas avec eux autres. Écoute, ça me rend malade, tout ça. J'en peux plus. OK, calme-toi. Je veux plus rien entendre, comprends-tu? Plus rien. Pourquoi tu te fâches? C'est pas toi qui les a fait rentrer ici. OK. Je m'excuse. J'aurais préféré tomber reine morte plutôt que de leur avoir dit de venir en dessous de la terre que j'aimerais être. Tombe pas reine morte. Souviens-toi seulement à qui les inviter, c'est tout. J'ai quand même une coupe de droit, moi, ici. C'est chez moi, ici, pas chez eux. Mais qu'est-ce que tu me veux, son parti? Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux du respect. Et c'est pour ça que je les ai déménagés. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as ta maison, tu l'as, ton respect. J'aime pas comment tu me parles, Béatrice. Je dis seulement que j'ai fait ce que tu voulais. J'aime pas ça, comment tu me parles. Comment tu me regardes. C'est chez moi, ici. Puis elle, c'est ma nièce. Je suis responsable d'elle. C'est pour ça que tu as fait ça, à lui? J'ai fait quoi, à lui? Ce que t'as fait devant elle, tu sais de quoi je parle. Elle arrête pas de trembler. Elle arrive plus à dormir. C'est ça que t'appelles être responsable d'elle. Béa, ce gars-là est pas normal. As-tu entendu ce que j'ai dit? Écoute, je veux plus en parler, c'est tout. Un de ces jours, on va régler ça une bonne fois pour toutes, toi puis moi, Béatrice. Rien à régler avec moi, c'est tout réglé. Là, on va faire comme s'il s'était jamais rien passé. Je veux du respect, puis tu le sais de quoi je parle. Quoi? Ce que ça me tente de faire dans le lit. Ce que ça me tente pas de faire. J'en veux pas. Quand est-ce que j'ai dit quelque chose par rapport à ça? T'as dit, je suis pas sourd. J'en veux plus de discussion. Je fais ce qui me tente de faire, puis je fais pas ce qui me tente pas de faire. OK. T'étais pas comme ça avant. T'étais complètement différent. J'ai pas changé, moi. Tu me tombais pas dessus à tout bout de champ par rapport à tout. Les deux dernières années, je rentre à la maison, je sais jamais ce qui m'attend. C'est comme un chantier, ici dedans, pis c'est moi le pigeon. OK, OK. Dis-moi pas OK, je te dis la vérité. Une femme est supposée croire son mari. Si je te dis que ce gars-là est pas normal, réponds-moi pas qu'il est normal. Mais comment tu le sais? Parce que je le sais. Je passe pas mon temps à faire des accusations à l'air. Il m'a donné la chair de poule la minute que je l'ai vu. Puis j'aime pas ça quand tu dis que je veux pas qu'elle se marie avec personne. Je me suis tué à l'ouvrage pour y payer des cours de sténo pour qu'elle sorte d'ici et qu'elle rentre contre une autre classe de monde. J'aurais-tu fait ça, je voulais pas qu'elle se marie. Des fois, tu parles comme si j'étais fou, je sais pas quoi. Mais elle l'aime. Mais ah, c'est juste un bébé. Comment elle saurait ce qu'elle aime? C'est toi qui en as fait un bébé. Tu voulais pas la laisser sortir, je te l'ai dit 100 fois. Oh, et qu'elle sorte d'abord. Mais non, ça l'intéresse plus de sortir, Eddie. C'est trop tard. Ah, disons que moi, je dis de sortir. Disons. Eddie! Il se marie la semaine prochaine. Elle t'a dit ça? Si tu veux mon avis, là, va la voir. Puis souhaite-lui bonne chance. Je pense que maintenant que tu t'es défoulé, t'as eu ta leçon. C'est quoi qui prend ce temps que ça? Ben le peur qu'il se fasse ramasser s'il se marie, il va pouvoir devenir citoyen. Elle l'aime aider. Pourquoi tu lui dirais pas un mot gentil? Je continue de penser qu'elle aimerait ça que tu sois de son bord, tu sais. pourrais peut-être lui dire que tu vas aller au mariage. C'est elle qui t'a demandé ça? Je le sais que ça y ferait plaisir. J'aimerais ça y organiser une petite fête. Hein? Il me semble que ça prendrait comme une sorte de party de départ, non? Je veux dire, déjà qu'elle aura pas la vie facile, partons là au moins du bon pied, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Parce qu'au fond de son cœur, là, elle t'aime encore, je le sais, ça. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures! Vas-y! Vas-y! Pourquoi tu lui dirais pas que tu regrettes? Regarde, elle arrive, là, vas-y, vas-y! Va faire la paix avec elle! Je peux pas y parler. Mais donne-lui une chance! Un mariage, c'est censé être heureux! Je vais aller prendre une marche. Non, non, va-t'en pas, attends une minute, là. OK, demande-lui, ma belle. Ah, c'est correct. Non, elle veut te demander quelque chose. Vas-y, Catherine, demande-lui. On va faire une fête, là! Autrement quoi, là? On va saillir les uns les autres, voyons donc! Je me marie, Eddie. Ça tente de venir, le mariage, c'est samedi. OK. Kat. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. J'espère que tu le sais. OK. Catherine! Je disais à Béa que... Tu sais, si ça te tente de sortir... Je veux dire, je me rends compte que j'étais peut-être un peu trop gardé à la maison. Parce que, tu sais, lui, c'est juste le premier gars que tu rencontres. Je veux dire, maintenant que t'as un emploi, tu vas peut-être rencontrer d'autres gars pour changer d'idée. C'est pas toujours tourner avec lui, vous êtes encore jeune. C'est quoi qui presse tant que ça? Peut-être que si tu sors un peu, tu mûris un peu, tu vas voir les choses autrement dans une couple de mois. Tu serais bien surprise. C'est pas obligé d'être lui. Non. On a déjà décidé. Kat, attends une minute. Non, j'ai déjà décidé. Kat, c'est juste le premier gars que tu connais. Comment tu peux décider? Parce que j'ai décidé. Je veux personne d'autre. Kat... Supposons qu'il se fait ramasser. Mais c'est pour ça qu'on va se marier tout de suite. La minute qu'on est marié, il va faire les démarches pour avoir sa citoyenneté. Ma décision est prise, Eddie, je suis désolée. Je peux prendre deux têtes d'oreiller pour les autres gars? Oui, c'est sûr. Assure-toi juste que Mme Dondero le souvient qu'ils sont à moi. Elle a d'autres logeurs? Oui. Il y a deux autres gars là, qui viennent de débarquer. Qu'est-ce que tu faisais, ils viennent de débarquer? Mais d'Italie, Lipari, le boucher, ses neveux. Ils sont arrivés hier. Je savais pas avant que Marco et Rodolfo emménagent, mais ça va être agréable. Ils vont pouvoir jaser entre eux. Catherine! C'est quoi, là? Vous avez perdu la tête? Vous les avez logés avec deux autres sous-marins! Qu'est-ce que ça fait? Comment ça, qu'est-ce que ça fait? Comment tu sais ces gars-là sont pas suivis? Ils vont venir les ramasser, ils vont voir Marco et Rodolfo. Ils sont les deux. Mais oui, mais ça fait tellement longtemps qu'ils restent ici! Tu sais pas quel genre d'ennemi il y a, Lipari. Tu aimerais pas lui planter un couteau dans le dos? Mais qu'est-ce que je vais faire avec eux? Le quartier est rempli de chambres! Tu peux pas supporter d'être séparé de lui par une coupe de rue! Sors-les de la maison! Et peut-être demain soir! Non, c'est pas demain soir tout de suite, Catherine! Il faut jamais mélanger les familles. Ces gars-là se font ramasser. Lipari serait capable de nous blâmer, toi et puis moi. Puis on aurait toute sa famille sur le dos. Ils ont tout un tempérament, cette famille-là. Mais comment je vais faire pour leur trouver une autre place ce soir? Puis tu peux arrêter de discuter! Sors-les de là! Tu penses que j'essaie de te tromper tout le temps? C'est quoi ton problème? Tu penses pas que je peux vouloir ton bien? T'as-tu déjà demandé quelque chose pour moi? Tu penses que j'ai pas de sentiments? Jamais, de toute ma vie, j'ai dit quelque chose qui était pas pour ton bien. Jamais! Puis regarde comment tu me parles, comme un ennemi. Prends l'escalier de secours! Fais-les sauter par de sa clôture! Oh, égoïe-toi! Qu'est-ce que tu regardes? Immigration! Qu'est-ce qui se passe? Immigration! Identifiez-vous! Tu calmes! Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont où? Qui ça, sont où? Hey, come on! Ils sont où? Qui ça, sont où? On a personne ici! Qu'est-ce que t'as, toi? C'est bien le 441 ici! C'est ça! Seigneur du bon Dieu! Aidez! Qu'est-ce que t'as, toi? Oh mon Dieu! Mon Dieu! De quoi tu m'accuses, là? Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que vous leur voulez? Ils travaillent, c'est tout, c'est des logeurs, ils travaillent sur les quais! Non, monsieur! Lâchez-le, ils font pas de mal à personne! C'est pas des sous-marins, une à Philadelphie, lui! Dégagez le chemin, mademoiselle! Mais comment ça? Vous pouvez pas juste rentrer chez le monde, OK! Puis... On se calme! T'es né sur quelle rue, à Philadelphie? Comment ça, sur quelle rue? Vous, pouvez-vous dire sur quelle rue vous êtes né? Absolument! À 4 rues d'ici, 111 Union Street. OK, let's go, les gars! Non, vous pouvez pas aller vous en! Écoutez, mademoiselle! S'ils sont corrects, ils vont être libérés demain! Mais s'ils sont illégaux, ils sortent dans leur pays! Prenez-vous un avocat, ça vous tente. Mais je vous dis tout de suite, vous gaspillez votre argent. Andiamo! Andiamo! On y va! Ils font pas de mal à personne, pour l'amour! Ils crèvent de faim, là-bas! Qu'est-ce que vous voulez? Marco! Mon enfant, tu... Hey! Reste ici, cœur le pas! Tu m'entends? Tu bouges pas d'ici, mon gars! J'oublierai jamais ça, Marco, tu m'entends? C'est comme ça que tu me remercies? Tu vas me demander pardon, Marco! Laissez-le partir, mademoiselle! Rends dans le temps! Venez à Philadelphie, laissez-le tranquille! Lui! C'est lui que j'accuse! Viens-t'en! Lui, là! Il a tué mes enfants! Lui, là! Il a volé une paille de la bouche de mes enfants! Il est fou! Je les ai logés! 6 mois que je m'en suis occupé comme si c'était mes propres frères! Mike! Pour l'amour de Dieu, je les ai logés! Je leur ai donné les couvertures de mon lit, Mike! Mike! Il va ravaler ses paroles! Il va ravaler ses paroles ou je vais le tuer, vous m'entendez? Je vais le tuer! Je vais le tuer! J'attends toujours, Marco. Qu'est-ce que t'as à me dire? Marco a jamais fait de mal à personne! Je peux te faire libérer sous caution en attendant ton audience. Mais je le ferai pas, tu m'entends? Tant que tu m'auras pas donné ta parole. T'es un homme d'honneur. Je te croirai sur parole. Qu'est-ce que t'en dis? Dans mon pays, il serait déjà mort. Il aurait jamais survécu aussi longtemps. Bon! Rodolfo, toi, tu viens avec moi. Non! S'il vous plaît, monsieur! Marco! Donne-lui ta parole. S'il te plaît, je veux que tu sois au mariage. Comment je peux me marier si toi t'es ici? S'il te plaît. Tu vas rien faire, tu le sais que tu feras rien. Tu comprends pas, Marco? Il peut pas te laisser sortir si t'es pour faire quelque chose de mal. On s'en fout, Dédé. Y a plus personne qui va y adresser la parole, même s'il vit jusqu'à 100 ans. Tout le monde sait que tu as craché au visage. C'est suffisant, non? Fais-moi plaisir. Je veux que tu sois au mariage. T'as une femme, des enfants, Marco! Tu pourrais travailler jusqu'à ton audience au lieu de rester pourrir ici. J'ai aucune chance? Non. Tu vas retourner dans ton pays, l'audience, c'est une simple formalité. Mais lui... Lui, il a une chance, hein? Dès qu'elle l'épouse, il peut entamer des démarches pour obtenir sa citoyenneté. C'est permis quand la femme est née ici. Bon, au moins on aura réussi ça. Dis-lui, Marco. Qu'est-ce que je peux lui dire? Il sait très bien qu'une promesse comme ça, c'est déshonorant. Promettre de pas tuer quelqu'un, c'est pas déshonorant. Ah non? Non! Alors qu'est-ce qui va arriver à un homme comme lui? Rien. S'il respecte la loi... Il vit, c'est tout. La loi? La loi se trouve pas toute dans un livre? Oui, dans un livre. Il n'existe aucune autre loi. Il a déshonoré mon frère. Mon sang! Il a volé mes enfants! Il s'est moqué de mon travail. J'ai travaillé pour venir ici, moi, monsieur! Je sais, Marco. Il n'y a pas de loi pour ça? Elle est où, la loi, pour ça? Il n'y en a pas. Je comprends pas ce pays-là. Alors, ta réponse? T'as 5 ou 6 semaines devant toi où tu peux continuer à travailler. Ou alors tu restes enfermé ici. C'est quoi ta réponse? D'accord. Tu le toucheras pas. J'ai ta parole. Peut-être qu'il veut me demander pardon. « Ça ici, là. Ça, là! C'est pas Dieu, Marco. Tu m'entends? Tu m'entends? Dieu seul peut faire justice. D'accord. Bon, on y va. Je vais chercher Béatrice, puis je vous rejoins à l'église. Dieu seul, Marco. Je reviens dans une heure environ. OK? C'est quoi, là? Je me parlais tout seul, moi. Aider. Je t'en prie. C'est son mariage. T'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est mon mariage. Tu remets plus jamais pied dans la maison, Béatrice. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon respect de la part de ma femme. T'as jamais entendu parler de ça? Il est passé 3 heures. On devrait déjà être là, Béa. Le prêtre nous attendra pas. Aider. C'est son mariage. Il n'y aura personne de sa famille. Au nom de ma sœur, laisse-moi y aller. J'y vais pour ma sœur. J'ai discuté avec toi toute la journée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il va revenir me demander pardon ou bien personne de cette maison va aller dans cette église-là aujourd'hui. Si ça compte plus pour toi que moi, vas-y. Mais reviens pas. T'es de mon bord ou bien de leur bord. Aussi simple que ça. Pour qui tu te prends? Chut, Catherine! T'as plus le droit de rien dire à personne! Personne jusqu'à la fin de tes jours, à personne! Tais-toi, Catherine! Tu vas venir avec moi! Non! Je peux pas. Je peux pas. Mais comment tu peux l'écouter? C'est un rat! Appelle-le pas comme ça! Mais de quoi t'as peur? C'est un rat, sa place est dans les égouts! Arrête ça! Il mord les gens pendant leur sommeil! Il vient pendant que personne ne regarde! Puis il empoisonne le monde honnête! Sa place! C'est dans les vidanges! Non! Non! Eh bien, non! Dans ce cas-là, nous aussi, notre place, c'est dans les vidanges. Toi puis moi. On est tous responsables de ce qui est arrivé. Oublie jamais ça, Catherine. Maintenant, vas-y. Va à ton mariage. Moi, je vais rester ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Aidez! Aidez! Qui t'a permis de venir ici, toi? Va-t'en! Marco s'en vient! Oh! Il prie en ce moment, à l'église! Tu comprends ce que ça veut dire? Catherine, je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille. Viens avec moi! Aidez, s'il te plaît, pas! Aidez! Partons quelque part, viens! Juste toi puis moi, je veux pas que tu sois ici quand il va arriver! Où ça? Je vais aller où? C'est chez moi, ici! Mais à quoi ça sert? Il est fou de rage! Tu sais comment ils deviennent? Qu'est-ce que ça donne? T'as rien contre Marco! T'as toujours aimé Marco! Moi, j'ai rien contre Marco! Lui qui me traitait de rat devant tout le quartier! Lui qui a dit que j'avais tué ses enfants! T'étais où, toi? C'est de ma faute, Aidé! Tout ça, c'est de ma faute! Je veux m'excuser! C'était mal de pas te demander ta permission! J'embrasse ta main! Il te demande pardon! C'est moi qui ai causé tous nos problèmes! Mais toi aussi, tu m'as insulté! Peut-être que Dieu comprend... Oh! Là, écoute-moi bien! Aidez, donne-lui une chance! Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux mon nom! C'est pas lui qui a pris mon nom! Et c'est juste un voyou! C'est Marco qui a pris mon nom! Puis toi, le kid, tu peux courir et lui dire qu'il va m'ordonner mon nom devant tout le quartier! Ben, je vais y régler son cas! Aidez! Écoute-moi! J'en ai assez entendu! Il y a juste le sang qui compte, c'est ça? Il t'a baisé la main. Ce que lui fait, ça n'a aucune valeur pour personne. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? Écoute-moi! Qui peut te redonner ton nom? Écoute-moi! Je t'aime! Si Marco te baise la main devant tout le monde, s'il se met à genoux, qu'est-ce que ça va te donner? C'est pas ça que tu veux! Laisse-moi tranquille. Tu veux autre chose aider. Puis elle, tu pourras jamais l'avoir. Béa! Béatrice! Oh! vérité est moins grave que le sang. Aider, je te dis la vérité, dis-lui adieu à jamais. C'est ça que tu penses de moi? Que je peux avoir des idées pareilles? Aider Carbone? Oui, Marco! Aider Carbone! Aider Carbone! Non, Marco! Je t'en supplie! Aider! Il y a des enfants, tu vas tuer sa famille! Rentre, aider, rentre en dedans! Peut-être qu'il est venu me demander pardon! Hein, Marco? Pour ce que t'as dit sur moi devant tout le monde! Il sait que c'est pas correct de faire ça à un homme! Quand j'ai mis mon toit sur leur tête, puis mon pain dans leur bouche! Comme dans la Bible! Des étrangers que j'avais jamais vus de ma vie! Pas correct de sortir de l'eau, puis d'accrocher une fille pour avoir son passeport! De voler ta propre famille comme si t'étais dans une étable! Sans jamais me dire un mot! Puis là, des accusations par-dessus le marché! Traînez mon nom dans la boue devant tout le monde! Je veux revoir mon nom, Marco! Donne-moi mon nom! Et on va aller au mariage ensemble! Non, Marco, non. Connais la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal! Dis-le à tout le monde, Marco! Dis-le que t'es un menteur! Vas-y, le menteur! Tu le sais ce que t'as fait! Espèce d'animal! À genoux! Aidez, pour l'amour du Christ! T'as menti par rapport à moi, Marco, dis-le! Vas-y, dis-le! Ah! Ni! Mal! J'ai jamais voulu te faire du mal, Aidé. Mais pourquoi? Oh, Béa! Ma Béa! La vérité est sacrée. Et même si je sais à quel point il a eu tort et combien sa mort a été vaine, je tremble. Car j'avoue que quelque chose de perversement pur me revient quand je pense à lui. Pas purement bon, mais purement lui-même. Parce qu'il s'est donné le droit de se révéler entièrement. Et pour ça, je crois que je l'aimerai toujours plus que tous mes clients raisonnables. Alors, c'est habité par une vive angoisse que je pleure sa mort. Thank you.